Arrêtez de faire celle qui veut essayer de nous comprendre. Et faites vos heures de babysitting, point. Pour toi, je fais que ça? Mais ouais, c'est rien d'autre que ça. Quand je regarde le monde où je vis, je vois personne qui soit comme moi et qui soit pété de thunes. Sauf s'il a un rap à chanter ou qui tripote un ballon. Alors vous, vous avez quoi, me proposer? Elle est où la solution si tu sais pas rapper ou tripoter un ballon? Pas ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. Je m'étonne. Et vous pensez que... que vous aurez votre diplôme en agissant comme ça? Je suis bien au lycée, y'a personne qui m'en a empêché. J'aurais du bol si je fête mes 18 ans, d'accord? C'est la guerre pour moi. Je suis pas né dans la rue et dans un lit confortable. Et comme je reste jeune, homme instable. Comme j'ai envie de péter mon câble. On va niquer la société, ce n'est plus négociable. Mais je marche dans la rue, regarde cette putain de société. Tous ces gens, ces zombies qui font travail, mais trop dodo. Putain, levez les yeux, le ciel est beau. Tous ces gens pessimistes, ça me donne envie de gueuler. Ouvrez vos yeux, vous êtes tous des putains de suvernés. J'ai entendu maman pleurer, mon cœur en a saigné. Quand j'ai compris le poids qu'elle portait sur les épaules, je m'en suis voulu et tout niquer à présent. Et mon goal, Dieu non plus nous a pas épargné. L'enfer, le péché, on a gagné. Chien berbère, j'ai déterré. Mon âme finira crucifiée. Mais dis-nous, c'est nous que t'as traité de sans dents. Quand je viendrai te la mettre, je ne ferai pas semblant. J'écris mes splits pour être contemporain. J'essaie de les faire réagir, mais en vain. Alors je chante sur cette mélodie d'enfance. Dans la vie, on a tous des envies de vengeance. La vie, non, ce n'est pas un bateau de plaisance. Rater nos vies, sûrement de la malchance. On a accumulé les problèmes. Continue mes spins, je ne change pas de thème. Je chante pour oublier ma peine et ma haine. Retourner en enfance pour entendre les je t'aime. Les je t'aime. Comme dans mes textes, je suis bipolaire. Tu es le pingouin, je suis l'ours polaire. J'ai levé la tête, j'ai entendu le prophète. Il m'a dit si t'as connu que la défaite. Rejoins-moi et tu découvriras le jardin des dénés, on ira. Cela coule et douce loin de ces ingrats. Encore une fois tenté par cette offrande, comme la pomme. Je n'ai pas pu résister, au fond je suis qu'un homme. S'il vous plaît, réveillez-moi de ce coma. J'ai besoin de prendre conscience qu'est pas ça. Alors je chante sur cette mélodie d'enfance. Dans la vie, on a tous des envies de vengeance. La vie, non, ce n'est pas un bateau de plaisance. Rater nos vies, sûrement de la malchance. On a accumulé les problèmes. Continuer mes spins, je ne change pas de thème. Je chante pour oublier ma peine et ma haine. Retourner en enfance pour entendre les je t'aime. Je suis dans le coma éthylique, mon destin devient tragique. Je suis devenu alcoolique, mon attitude est mélancolique. J'ai des envies diaboliques, où en sont mes statistiques? Fais attention à l'illicite, tu pourrais avoir une fin tragique. Ouais c'est chaud, faut pas lâcher, mais ne deviens pas un esclave. Ils vont vouloir t'arrêter, mettre une entrave. Je jure, ne te fais pas charmer. Ouais, Kali, ne te fais pas charmer. Alors je chante sur cette mélodie d'enfance. Dans la vie, on a tous des envies de vengeance. La vie, non, ce n'est pas un bateau de plaisance. Rater nos vies, sûrement de la malchance. On a accumulé les problèmes. Continuer mes spins, je ne change pas de thème. Je chante pour oublier ma peine et ma haine. Retourner en enfance pour entendre les je t'aime. Les je t'aime. Les je t'aime.